Micro ouvert. Voilà, on est au plein cœur de la manifestation. Et on se retrouve bloqué, en fait, durant cette manif. À hauteur, un peu avant Arlois, je pense. Voilà, il y a des autopompes. La masse de gens s'est bien bougée. Je ne sais pas combien il y a de personnes. Mais beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis? Vous êtes de quelle radio? Alternative. Interactive. Alternative. Alternative, oui. Je suis pas du grand média. Ah ouais, ça va, c'est pour savoir. C'était juste, voulais savoir, c'était quelle... pour la liberté, vous êtes avec nous? Ah oui, évidemment. Hein. Ah, c'est ce qu'on veut, hein. C'est honteux ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est scandaleux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Restriction de nos droits, de nos libertés, dans un état de droit, en plein. Où la démocratie, elle prend un sacré coup, hein, dans ce monde. C'est pas possible. Où est la politique de notre gouvernement autonome, sans influence des autres politiques dans le monde et sans influence des multinationales? Il y a quelque chose qui tombe par rond. Une obligation vaccinale sans respecter la sensibilité des gens. Pourquoi on n'essaie pas de comprendre ceux qui sont contre? On n'est pas là. Contre quoi tu parles? Ceux qui ont peur de ce vaccin. Le côté psychologique de l'être humain, il n'est pas respecté. C'est indigne d'une démocratie de ne pas respecter la sensibilité des gens. De ceux qui ont peur pour leurs enfants, pour leurs parents, qui ont peur pour leur santé. Non, c'est agressif. C'est l'esprit unique. Refus de l'esprit critique. Vacciner, vacciner, vacciner. On n'est pas contre la vaccination. Je ne suis pas un anti-vax. Mais pourquoi on n'essaie pas de comprendre ceux qui ont peur? Et c'est d'une agressivité sans commune mesure. C'est violent, c'est choquant. Et si on se retrouve au début de la manif, et elle est bloquée par des... Ouais, par la... Comment est-ce possible qu'ils lassent des gaz lacrymogènes alors qu'il y a des femmes et des enfants Puis que le tour, il est tranquille, quoi. Tu dis? Bonjour madame, on est venu en paix ici, pour la liberté, pour le bien-être de tout le monde, la liberté. Tous ensemble, vaccinés et non vaccinés, tous ensemble. Bon. Bonjour, je suis un média gentil. Non, vous parlez pas? Vous savez pas parler? Vous avez peur? Si, je vois bien, vous avez peur. Bonjour, je suis un gentil média, je suis un média alternatif. Alterna quoi? Alternatif. Comment ça va? C'est BAM? Non, c'est pas BAM, c'est micro ouvert. Micro ouvert. C'est de la radio déjà, vous voyez, il n'y a pas d'image. Habituellement, il y a BAM, Kairos, Cité 24. Ouais. Moi, je suis pote avec BAM, moi je connais bien BAM. Ah ben c'est bien. Moi je les ai eus dans mon agenda culturel, BAM, au tout début, quand ils parlaient qu'ils allaient créer BAM. Effectivement. Il n'y a pas longtemps. Hein. Non, il n'y a pas tout. Très intéressant, BAM. Dites-moi, donc il n'y a pas d'image, c'est ça qui est chouette, on ne voit pas votre tronche. Moi, je me base vraiment sur la parole des gens et tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Mais moi, j'ai déjà pris du son à une autre manif dans le genre pour la liberté, la démocratie. Ça se passait au cinquantenaire. Ici, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Hein. On parle de 100 000. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à la manif, on marche, on est tranquille, il y a des enfants, des femmes, des vieux, voilà. Et qu'on nous empêche de continuer la balade, j'allais dire. Ouais, et vous comprenez, voilà, il y a des autopompes. C'est des techniques policières. Technique policière, c'est de bloquer la tête de pont du cortège et ils vont essayer de nous repousser vers l'arrière. Et probablement qu'à 500 mètres d'ici, vous nous coincez à l'arrière aussi. Donc un dans l'autre, il ne faudra pas trop traîner dans la zone. Il y a moyen de s'échapper sur les côtés. Hein. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il y a moyen. Mais quoi, moi, c'est vraiment cette configuration-là que je trouve interpellante, quoi. C'est quand même dingue qu'on puisse pas marcher tous ensemble. Mais parce qu'on n'est plus dans un pays libre. On n'est plus dans un pays libre, c'est normal. On bloque les sorties on bloque les sorties pour ne pas qu'on puisse atteindre facilement la gare. C'est déjà plus une démocratie, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Je veux dire que les sorties étaient bloquées, on ne pouvait pas en rentrer. Quelle gare? La gare du Nord. Enfin, quand vous preniez le train et que vous vouliez sortir du train, vous ne pouviez pas. On est venu en voiture, et en voiture, on bloquait les sorties, on ne pouvait pas sortir, en fait. En voiture? Oui, en voiture. Vous ne pouviez pas sortir de voiture? pouvait pas sortir, on ne pouvait pas prendre des sorties pour aller à la gare. Ah oui, oui, j'ai compris, oui. Vous voulez dire que vous étiez avec votre voiture, vous êtes garé, vous êtes sorti de votre voiture et vous... Non, non, pas du tout. Les sorties étaient bloquées, c'est-à-dire on n'avait pas le passage pour rentrer vers la gare, en fait. Mais quoi, c'était bloqué par qui ? Bloqué par les policiers. Ah voilà, voilà, voilà. Ben oui, ça les dérange quand même, hein, qu'il y ait cette masse de gens qui se bougent, quoi. Voilà. Oui, oui, il est temps qu'on bouge, oui. Oui, oui, mais ma... La vie... Et moi, j'ai envie de vous poser la question. Donc, on a affaire à de la violence, là. Hein. Moi, je me suis ramassé du gaz dans les yeux. Ça brûle, c'est horrible. On se retrouve devant ce... Vous voyez, cet état violent. Comment on fait avec ça ? Parce que si on veut... Si on veut... On est dans une marche pacifique. Attends, ce que je veux juste dire pour que les gens comprennent, c'est que si on veut être contre et montrer qu'on n'est pas d'accord, on va devoir se coltiner cette violence. Comment on fait ? Pour l'instant, c'est des marches avec des familles, des enfants, des femmes. C'est pas le moment de commencer à rentrer dans la police. On n'est pas là pour ça, on est là pour faire une marche pacifique. Mais en même temps, le problème, c'est que la police ne voit pas les choses comme ça, le bourgmestre de Bruxelles ne voit pas les choses comme ça. Est-ce que ça a été autorisé ou pas ? Je n'en sais rien. Mais là, maintenant, ils vont nous pourrir la manifestation. Maintenant, il y a certainement des éléments qui vont essayer d'avancer, mais le problème, c'est que c'est pas une bonne idée. C'est pas aujourd'hui qu'il faut faire ça. C'est pas aujourd'hui qu'il faut être violent, c'est ça ? Ben, on n'est pas là pour faire de la violence, mais en même temps... Non, mais personne n'est là pour faire de la violence, mais vous voyez bien que là, on est devant un mur, quoi. Il y a des jeunes de 20 ans, s'ils ont envie de rentrer dans la police, ils vont le faire, hein. C'est aux jeunes à se battre pour leur liberté. Hein. Si vous... Attends, quand tu dis c'est aux jeunes de rentrer dans la police, tu veux dire aux jeunes de se confronter à la police, oui, lancer des pierres. De rentrer dans la police, de se confronter à la oui, police. Oui, mais voilà. Ben oui, c'est les jeunes qui doivent faire ça. C'est pas des gens de mon âge, hein. J'ai 52 ans. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes devant, ben, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Hein. Faut pas se laisser faire, en fait. Il est temps qu'on arrête de se laisser faire. Là. Oui, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser faire alors. Tu vois, que, regarde, ils balancent la flotte. On est en première ligne, là. On va y aller, là. Ça va ? Vous courez en sens inverse ? Comment ? Vous courez en sens inverse ? Non. Ah, si, vous courez. Mais vous inquiétez pas, on voit pas qui vous êtes. Bah oui, mais moi aussi, j'ai eu du gaz dans les yeux. Ça brûle, c'est horrible. C'est très bien. Mais vous voyez, c'est vraiment se confronter à cette violence qui est là, comment on fait pour... Alors que c'était une marche pacifique, on est avec les enfants, les vieux, c'est dingue quand même. Un hélicoptère... Ouais, bon, c'est bien qu'il y ait un peu de mouvement. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Exprime, parce que... Approfondis, ouais, parce que... Il faut un peu de mouvement, pas un peu de casse, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, c'est nécessaire, sinon on se fait pas entendre. Voilà. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où avec cette violence ? Ah, on ne sait pas, ça c'est inconnu. Toujours des risques, hein, bien sûr. Mais c'est important. Ce que tu as entendu hier, j'imagine, à Rotterdam ? Ouais, c'est très bien. C'est très bien ? Ouais. Qu'est-ce qui est très bien ? Que ça bouge, quoi. Mais oui, mais moi je suis d'accord aussi que ça bouge, mais... La violence, c'est l'État là qui l'a, hein, tu vois. Nous, on se retrouve avec des Robocop ici, nous, on n'est pas armés. Tu vois, c'est disproportionné, d'office, on va pas gagner, quoi. Ici, maintenant, dans une confrontation, tu vois, ils ont les chars, ils ont les pompes à eau, ils ont tout le matos, quoi. Tu trouves pas ça pas juste ? C'est leur boulot aussi, hein. Ah ouais, t'as un flic déguisé, toi, ok. T'as un flic déguisé. C'est leur boulot. Bon. Bonjour. Ça va bien ? Vous voyez comme moi ? Non, moi, je... Vous êtes qui ? Ah, vous inquiétez pas, je suis un gentil média, c'est micro ouvert, je fais du média alternatif. Ok, génial. Ben, on voit juste qu'il y avait une manifestation de... Je crois que si j'étais un média autre, vous le verriez... Je ne serais pas là, non. Dans cette époque qui court, on ne sait jamais rien. Mais bref, on était 80 000, tranquillou. Il y avait un parcours qui était tout dessiné. Et tout d'un coup, il a été coupé en deux. Je ne sais pas pourquoi. Et là, les gens étaient tout cool. Et puis, bon, il y a quelques énervés qui ont été engagés par je ne sais pas qui pour venir un petit peu secouer le bazar. C'est pas très méchant. Ils n'ont rien cassé. Il n'y a rien qui brûle. En fait, en clair, on veut de nouveau nous faire passer pour les méchants et on s'en fout parce qu'on continuera à le faire, d'être tranquillou et pacifiste et de ne pas se faire QR-corder. Voilà. Donc on est déterminé à rester tranquillou. Tranquillou, mais ouais, mais à un moment donné, tu vois, c'est le mot tranquillou, à un moment donné, on va devoir aller se battre aussi, tu vois. C'est... Tu peux rencontrer des gens tranquillous et puis qui sont tout à fait déterminés en fait. Mais il faut rester tranquillou, sans agression, sans agressivité. Et ici, il faut convaincre maintenant les gens que ce vers quoi on veut nous amener est une solution qui est de nous piéger dans un système de tracking. Et ça, on le veut pas. Donc on ne laissera pas passer ça jusqu'au bout. Peut-être moins tranquillou. Oui, parce que tu vois, bon, moi, je me suis déjà promené dans des marches ou des manifestations contre le pass, tout ce bazar. C'est la deuxième que je fais. Bon, j'imagine que les gens, ils vont pas tout le temps... Donc, il faut que j'invente aussi une autre manière d'être dans la manifestation. Et là, je me dis, on se retrouve vraiment... c'était une marche tranquille, il y a des enfants, il n'y a rien. Enfin, tu vois, on est ensemble, on est fort, on se sent bien, on n'est pas tout seul. Et puis, maintenant, on se retrouve bloqué avec des gaz lacrymo, avec... pourquoi on a envie... On se demande pourquoi, en fait, quand tu vois. Quelqu'un n'a plus... Chez moi, dans la famille, on s'est jamais battu. On était trois fils. On s'est jamais battu. Entre les frères. Ouais. La violence, c'est la force des faibles. C'est quand t'as plus rien à dire. Et ça, c'est la démonstration de l'État aujourd'hui. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'arrivent pas à répondre aux questions qu'on leur pose. Ils n'arrivent pas à avoir une logique dans leur développement sanitaire. Quand on voit le budget de 2022 qui est toujours pas voté, on est quand même le 21. On est quand même le 21. Attention, il y a une tout près. Ah ouais. Ouais, bah là, on est en plein cœur de la manif. Hein. On est donc vraiment... voilà, donc... Attends, viens, viens, viens, on va par là, on va par là. Hé hey, viens, viens. Ah, ils sont au-dessus, eux. Donc on a reçu une du gaz, quoi. Hein. Ça brûle les yeux. Ça brûle à la gorge. Merci, hein, les gars. Moi, j'allais partir vers le bas. Hein. Ah ouais, c'est vrai que moi, j'allais partir vers le bas. Merci. Hein. Ah ben, je vais go comme ça. Je sais pas, tu étais où. Hein. Ça gaz, c'est pour ça que j'ai pas envie de me faire. Bah oui, ça gaz. Soit vous voulez aller par là, soit par là. C'est fini ? Bah, c'est fini ? Ça brûle en tout cas. Il y a des gaz, ils balancent des gaz. Des gaz, okay. Ça brûle. Ça va passer. Alors, le public, ce serait que là-bas, on serait gazé aussi. Hein. Mais... Ah ouais, pareil, il vaut mieux aller par là en fait. Par là. Mais si on reprend une petite rue, tu vois, c'est mais. C'est mieux d'aller par là. Je sais pas si on peut. Je sais pas si on peut aller par là. On va voir s'ils sont vicieux au moins de coincer. Ah, oui, c'est des deux côtés à la fois. Moi j'aurais été par là, il y a les petites ruelles. Ah ça c'est plus sûr. Ici c'est plus dangereux. Parce qu'on est dans la masse. Comme vous voulez. Non mais il y a trop de masse. D'ailleurs, de l'autre côté, je pense pas qu'il y ait de. Ah ben on s'est pas coupé par là. Si, il paraît qu'ils vont mettre un camion là, et du coup on doit se disperser. Ça va madame? Ça va monsieur? Bien. Vous êtes, parle pas français? Non, je suis un média. Hein. Je suis un média. Pas de français. Oh. Vous? Bonjour monsieur. Oui. Ça va, je suis un gentil média, vous inquiétez pas. Ouais, vous inquiétez pas, moi aussi. Vous avez vu ce qui se passait là-bas? Non. Ça vous intéresse pas? Moi je travaille. Vous travaillez? Vous faites quoi? Musée. Au musée? Charlier. Musée Charlier? Je connais pas, je connaissais pas. C'est un musée, le musée de Saint-Josse. Quoi, ça vous intéresse ce qui se passe là? Je surveille madame qu'on rentre pas, qu'on détruit pas. Ben enfin, je suis pas de la police, monsieur, il n'y a pas de caméra, on vous voit pas, vous avez pas un avis sur ce qui se passe là? Il y a de l'ambiance, vous avez vu? Je vous explique, on a un concert là. Moi, je dois faire attention qu'il n'y a personne qui rentre. Vous êtes dans le bazar, vous. Ok. Vous êtes dans le... Donc voilà, on nous invite à... On nous invite à faire demi-tour, en fait. Hein. Vous faites quoi? Mais... Si ça termine en cul-de-sac comme ça, c'est débile. Mais normalement, on devait continuer. C'est eux qui nous empêchent. J'imagine. C'est eux qui nous empêchent de continuer. Tu vois, c'est ça l'idée. Hein. On est là, on se rend compte qu'on est plein. Il y a des gens qui disaient, parce que moi, j'ai aucune notion des chiffres, 80 000 moi, personnes. Moi, j'ai 50 000. Ça, c'est le chiffre que moi, je dis. On est là, on est plein, tu vois, ça nous fait plaisir, on se sent plus fort, on marche. Et eux cassent. Oui, c'est mieux que quand il y a 200 personnes, évidemment. Bah évidemment. Vous dites ? Il paraît que le rendez-vous de la manifestation, c'était à la place là-bas, où il y a une fontaine et des boules qui s'appellent. Quoi, c'était quoi. Hein ? Ah. Et c'était pas là, c'est pour ça qu'il y a tout ça maintenant. Ah oh, ouais. Ah, marrant, c'est marrant ça. Donc voilà, je me retrouve devant des personnels qui soignent, personnels soignants. Et donc j'ai appris récemment que vous alliez. Ben, tout le monde l'a appris, c'est tout récent. Que vous alliez être obligé de vous faire vacciner à partir du 1er avril ? Apparemment, c'est ça, oui. À partir du 1er janvier, on ne pourra plus travailler sans faire de test si on n'est pas vacciné. De ce que j'ai entendu, mais comme ça change tous les jours, on ne sait plus trop croire ou pas, ou on ne sait pas trop où on va. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas me faire injecter quelque chose alors que je suis en bonne santé, je suis jeune, j'ai des anticorps qui fonctionnent, donc je ne vois pas pourquoi je me ferais vacciner, surtout que c'est un vaccin qui est encore expérimental, on ne connaît pas les effets secondaires de ce vaccin. Donc voilà, après... Vacciné ou pas vacciné, c'est encore une autre question, je trouve, mais ce qui m'embête vraiment ici, c'est l'obligation. Voilà, je vois pas pourquoi on devrait nous obliger et choisir entre notre métier ou être vacciné. Ah, ça, c'est énorme, surtout. C'est quelque chose qui est énorme. Et voilà, moi, je soigne des gens, je suis là pour soigner des gens et je comprends pas comment est-ce qu'on va pouvoir... C'est une passion pour moi, donc j'ai pas envie d'arrêter ce que je fais, j'ai pas envie de changer de voie, mais jusqu'à présent, je ne m'imagine pas me faire injecter ce vaccin, donc je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère que les choses vont bouger, j'espère qu'on va arriver à faire bouger les choses et voilà, à être entendu par les gens, par la population, qui comprennent que ce n'est pas une solution, ce vaccin. Maintenant, il y a près de 80% de la population belge qui est vaccinée et ça ne change rien. Qu'est-ce qui ne change ? Les gens qui sont vaccinés sont quand même malgré tout malades. Les gens vaccinés peuvent transmettre le virus aussi. Ils peuvent quand même malgré tout enlever leur masque, aller dans des concerts, sans faire de tests. Plus maintenant. Ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, plus maintenant. Depuis hier, on va dire. Mais après tout, je pense qu'on essaie de nous faire peur avec ce virus et qu'à un moment donné, il faut le laisser circuler et il faut vivre avec parce qu'à un moment donné, nous rester enfermés chez nous. À un moment donné, il va falloir revivre, quoi. Laisser les gens revivre et arrêter de faire une fixette sur ce Covid, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on puisse revivre, qu'on prenne les choses qu'il faut, qu'on mette le masque, qu'on se lave les mains, qu'on fasse tous les gestes qu'il faut. Si on est malade, on reste chez soi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut pouvoir revivre et il faut arrêter de faire une psychose avec ça, je pense qu'on nous lave le cerveau et que ça commence à bien faire. Oui, mais vous vous rendez compte qu'on vous dit, à vous, personnel soignant, vous vous vaccinez ou bien, Beuton, plus de travail. Alors qu'on sait qu'il y a une réalité économique. Parce que ça, tu n'en parles pas. Bien sûr. Je ne sais pas si tu travailles dans un hôpital. Moi, je travaille à domicile, donc je ne sais même pas, en fait. Moi, ce qu'il en est, je ne sais pas si on va me retirer mon numéro dynamique, je ne sais pas si je vais quand même devoir faire un test ou pas, parce que moi, je travaille chez les gens, en fait. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est clair qu'ils nous tiennent par là, parce que si on ne travaille plus, on n'a plus de salaire. Si on n'a plus de salaire, on ne sait plus payer nos charges, on ne sait plus assumer nos enfants. À un moment donné, c'est pas normal, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas imaginable. Enfin, moi, je pense qu'ils vont commencer par les soignants, et puis après, ils vont passer par les gens, tous les gens, en fait. Je pense que c'est qu'un début. Ça fait combien de temps que tu travailles, toi ? Comme infirmière, ça fait 6 ans. 6 ans que je travaille. Ouais, quand même, quoi. Donc j'aime mon métier, j'aime les gens, j'aime soigner les gens. Je ne me vois pas changer de métier et je me sens un peu impuissante et j'espère que les gens vont réagir, j'espère que la société va réagir, j'espère que les choses vont bouger parce que j'en peux plus en fait. Et des gens qui vont déprimer, des gens qui vont suicider, des gens qui vont changer de voie, des gens qui vont... Voilà, il va y en avoir. Et n'oubliez pas que s'il n'y a plus de soignants ou s'il y a moins de soignants, il y aura moins de soignés. Oui, mais c'est ça que je comprends pas la logique, moi, tu vois, parce qu'on sait bien que l'hôpital, ça craint, que les infirmières sont mal payées, mal reconnues, que c'est la merde, quoi, en gros, et on vire du personnel soignant. Je ne comprends pas la logique. Vous soignez aussi, vous ? Oui, moi, je suis infirmière en maison de repos. Et ben voilà, pareil, hein, 1er janvier, ben, c'est un choix, donc... Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille. Ça fait 26 ans dans la même maison de repos. Et voilà, je pense que je vais stopper. Oui, il faut tenir bon. Hein. C'est même plus une histoire de vaccin. Attends, parce que là, je comprends pas. Tu dis, tu vas stopper le travail. Oui, ben, je vais arrêter au 1er janvier. Je suis obligée, je suis pas vaccinée, donc je vais devoir arrêter. Oui, mais à la différence de la première personne qui vient de parler, tu peux dire ton prénom ou pas ? Oui, Amandine. Amandine, qui a 6 ans d'expérience. Toi, t'en as 30. Ah voilà, tu peux retomber sur tes pattes que Amandine, elle commence dans la vie. Mais j'ai pas envie de lâcher, c'est une question de principe. Donc... T'as pas envie de lâcher, mais il faut aussi avoir les moyens de ça. Imagine qu'il y a des gens, ils ont pas les moyens. Oui, je sais, mais je sais pas, je vais voir. Tu peux retomber sur tes pattes, toi, si tu dis, je tutoie facilement. Hein. Si tu dis non, je ne veux pas me faire vacciner, quoi. Mais on va voir la suite, quoi. C'est arrivé tellement brutalement qu'on n'a pas l'impression que ça va se passer comme ça. Moi, j'ai envie de pleurer à longueur de journée en me disant c'est pas possible. Moi, j'aime mon métier, j'ai pas envie d'arrêter. Mais j'ai pas envie de me faire vacciner, c'est une question de principe et ça va au-delà de là maintenant. Ça va au-delà du vaccin, donc il faut tenir bon, il faut manifester, il faut que les gens nous entendent en train de dire mais où allons-nous, dans quel monde vivons-nous, quoi. Ça va au-delà du vaccin, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que c'est une question de principe. L'obligation vaccinale, bah oui, limite, c'est un vaccin, mais on est au-delà de ça. C'est plus une démocratie, c'est n'importe quoi. Mais où est-ce qu'on va, quoi ? On est plus libre de notre choix au niveau santé, mais où allons-nous, quoi ? Nous, on est immunisés. Moi, j'ai fait le Covid au début 2020, tout au début. J'ai encore une grosse immunité. Il y a des gens qui sont vaccinés qui n'ont aucune immunité. Et alors on dit oui, mais on est vraiment considérés comme des pestiférés. Moi, mon immunité, je l'ai. Je vis en maison de repos. On n'a quasi pas eu de cas. Si, on a eu beaucoup de morts de gens qui ont été délaissés. On a fermé la maison de repos. On a interdit les visites. On a interdit tout. Les gens, ils sont morts de tristesse. Ils sont morts de glissement. Ils sont morts d'abandon, de sentiment d'abandon. C'est épouvantable. Mais pas du Covid. C'est ça que tu veux dire ? Non, mais alors les gens disaient « Ah, on a eu un décès. » « Ah ben oui, c'est le Covid. » Mais non, au secours, non. Je disais « Mais non, il n'est pas mort du Covid. » Il est mort de tristesse et puis de dégradation de son état de santé. Tu n'as pas essayé, toi, de dénoncer ça, de dire ça ? Parce qu'on en... Si, j'essaye. Mais il y a des gens qui sont au-dessus qui ne nous entendent pas. Enfin, on a la direction qui nous soutient. On est quelques-unes à être soutenues, mais pas tous. Les autres, ils disent « Oh, on va se faire vacciner, on sera tranquille. On pourra aller au restaurant, on peut faire tout ce qu'on veut. Oh, donc pourquoi pas ?» Ben voilà. Et donc c'est ça le problème, c'est que les gens disent « Oh, ben, de toute façon, on sera tranquille, on va le faire vacciner. » Mais non, non. Qu'est-ce qui fait que vous, alors, vous êtes éveillés, quoi, à pas vous laisser faire, à pas se laisser faire ? Qu'est-ce qui fait que vous j'imagine, vous allez aussi au restaurant C'est pas grave, ça, c'est un détail. Le restaurant, c'est un détail. Le cinéma, c'est vraiment des détails. Quand je vois ce qui va nous tomber sur la tête, quand je vois des journées comme aujourd'hui, la manifestation avec le monde qu'il y a, je me dis, alléluia, les gens commencent seulement à se réveiller, quoi. Parce que c'est... Oui, ça donne de l'espoir de voir tout ça qui... À fond, mais ça donne de la force, en fait, hein. Et on casse ça. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que c'est mondial. Donc, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui va nous arriver, quoi ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Précise un peu ce que tu veux dire quand tu dis que c'est mondial. Ben oui, parce que ça se passe partout. Vous avez regardé en Autriche, etc. Mais allez, quoi. Les gens, c'est... Et en Autriche, ils reconfinent. C'est reparti pour un tour. Si, il y a eu... voilà, c'est des manifestations... Après, en Autriche, ils disent que les gens, ils ne peuvent plus sortir. Donc, les non-vaccinés ne peuvent plus sortir que pour aller faire du sport, faire les courses. Je crois que maintenant, c'est tout le monde. Tout le monde, maintenant. Ah, c'est tout le monde. Oui, ça a été... Voilà. Parce qu'en fait, nous, les non-vaccinés en Belgique, si on regarde, on ne dit pas ça comme ça. Mais au final, on ne peut plus aller nulle part, à part pour faire nos courses. Donc, on en est au même point. Ils ne disent pas comme ça, mais je pense qu'on est manipulé, et on a marre d'être manipulé. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et voilà pourquoi on a bougé de notre zone de confort, parce qu'on n'est pas du tout des gens qui manifestent, on n'est pas du tout des anti-vax, on n'est pas du tout des personnes qui vont contre la société. Voilà, mais on en a marre d'être des moutons, on en a marre de ce qui se passe. On n'a pas à choisir entre se faire injecter quelque chose dont on ne connaît pas les effets secondaires et notre métier, quoi. C'est pas normal, ce n'est pas quelque chose qui peut exister. C'est voilà, et c'est juste le principe en fait qui nous va trop loin pour pouvoir rester sans parler, sans bouger. En fait, c'est pas possible, on peut pas laisser faire les choses, et les gens ne le comprennent pas, même les patients. C'est ça qui fait peur, parce que moi je suis à domicile, donc les patients, en fait, c'est un peu comme mes grands-parents, c'est un peu, voilà, j'ai un lien spécial moi à domicile. Mais les... génération au-dessus de toi, quoi. Voilà. Mais les patients, ils comprennent pas non plus. Les patients, en fait, je dois leur mentir. Je dois pas leur dire que je suis pas vaccinée, sinon ils ont limite peur de moi. C'est affolant, quoi. Ils sont enrodés dans la machine, ouais, à regarder les médias, voilà, mainstream. C'est ça. Ils comprennent pas qu'on leur dit pas toute la vérité à la télévision, en fait. Les gens, ils regardent le journal et ils sont là sur les chiffres. Et ils sont là, tu vois, ça repart. C'est de nouveau plein de malades. Et on a beau dire ce qu'on veut, les gens, ils sont vraiment endoctrinés dans ça, et il n'y a pas moyen de... Voilà, donc on aimerait bien que les gens changent leur mentalité, qu'ils arrivent à accepter qu'ils arrivent à relativiser, en tout cas. Voilà, qu'ils arrivent à voir un peu les choses d'une autre manière. Bah, surtout à se poser des questions, parce voilà, que si tu te poses des questions, bah, quand même, ça gratte sur la tête, voilà, quoi. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est simplement ça. C'est ça. Se poser des questions, en fait. Hein. Ça commence seulement, mais c'est du lavage de cerveau. Moi, j'écoute beaucoup de gens, des philosophes, etc. Et ils disent, ben oui, on vous catapulte des chiffres, c'est un lavage de cerveau. Les gens, ils voient des chiffres, non, du tout. Et ce qu'on ne parle pas assez, c'est des effets secondaires du vaccin. On a autour de nous des gens qui ont, enfin, voilà. Ouais, c'est pour ça, en fait, que vous voulez pas vous vacciner, c'est parce que d'abord, vous apprenez que c'est pas un vaccin comme les autres. Et puis vous apprenez. Déjà, hein. On ne peut pas appeler ça vaccin. Hein. C'est un produit. Enfin, c'est pas un vaccin. C'est un truc expérimental où il y a cette fameuse protéine SPAC là, qui est quand même vachement toxique. Et oui, voilà, quand on entend des gens. Enfin, moi j'écoute un chirurgien allemand qui faisait des autopsies depuis des années. Il dit, mais c'est affolant, je n'ai jamais vu ça dans le corps humain, tous ces organes qui sont micro. C'est toutes des microcoagulations un peu partout. Les matrices des femmes, c'est tout micro. Enfin, ça fait peur. Mais comment c'est. Oui, j'ai une collègue qui, après sa première dose, elle n'a pas été réglée pendant 3 mois. J'ai la fille d'une autre collègue, elle a eu ses règles pendant 3 mois après sa première dose. C'est un détail peut-être, mais ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'il y a après ça ? Qu'est-ce qui va se passer après ça ? Tous les effets secondaires dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien. Personne ne le sait. Je ne suis pas plus maligne qu'une autre, je ne le sais pas non plus. Mais pourquoi est-ce qu'on affirme le vaccin est sûr ? Bon, on a la 3e dose déjà, en quelques mois. Mais s'il fonctionnait si bien que ça, enfin voilà. Et la 4e, à quand la 4e, à quand la 5e ? Enfin, il faut un peu que les gens réfléchissent un peu. Encore une fois, c'est mon opinion. Voilà, si c'était qu'une histoire d'opinion maintenant, ça devient plus grave, dans le sens où c'est plus simplement vos opinions, c'est que le gouvernement prend une position en virant le personnel soignant s'il n'est pas vacciné, quoi. Moi je trouve que là c'est d'une incompréhension totale. C'est une violence. Oui, mais surtout on a besoin du personnel soignant dans cette crise soi-disant. C'est une violence. Et toi, Amandine, tu vas faire quoi si jamais c'est le cas, tu vas te vacciner, toi ? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Comme maman, j'en pleure. Je sais pas. Franchement, c'est inimaginable pour moi. Parce que peut-être que je vais me faire vacciner et que je ne vais avoir aucun effet secondaire. C'est probable. Mais imaginons, je me fais vacciner et dans 3 semaines, je fais un AVC, je suis hémiplégique. qu'est-ce qui va s'occuper de mon petit garçon? Qu'est-ce qui, mon compagnon va peut-être me quitter? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Moi, je ne sais pas les effets secondaires de ce vaccin. Je suis, encore une fois, je suis jeune, en bonne santé. Je n'ai pas besoin de m'injecter ce vaccin dans le corps. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on m'obligerait à m'injecter ce vaccin dans le corps. Alors que tu es en bonne santé. J'ai fait le Covid au mois de février. J'ai eu un rhume. J'ai eu un rhume. Je me suis rendu compte parce que je ne sentais plus rien du tout au niveau de mon odorat. Donc j'ai été faire un test pour mes patients, encore une fois, pour ne pas travailler en ayant le Covid, parce que mes patients sont plus âgés, ils n'étaient pas encore vaccinés, donc voilà. Mais voilà, moi je ne vois pas me faire injecter ce vaccin. Tant pis, s'il faut que je change de métier, je changerai de métier, mais j'aime ce que je fais, donc je ne veux pas changer de métier et je ne veux pas me faire vacciner. Donc la seule solution, c'est qu'ils changent leur vision des choses. Ils n'ont pas à obliger les gens. On est dans un pays libre, on est dans une démocratie, on n'impose pas les choses dans une démocratie, surtout quand il s'agit de notre corps, de notre santé. Je suis désolée. Alors il y a plein de gens qui disent « Oui, mais bon, dans les médicaments, il y a plein d'effets secondaires. » Oui, d'accord, mais on t'oblige pas à les prendre, ces médicaments. Imagine, t'attrapes le cancer, t'as pas envie de faire de chimio, on va pas t'obliger à faire une chimio. Mais donc, fous-moi la paix, quoi. Fous-moi la paix, je fais ce que je veux. Si combien j'attrape le Covid, je vais au centre intensif, imaginons. Mais tant pis. Pour moi, j'ai plus de risques à me faire injecter ce vaccin que de bénéfices. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, je vois le bénéfice-risque et je pense qu'avec ce vaccin, on devrait faire ça pour tout le monde. Les bénéfices, les risques. Les gens qui sont immunodéprimés, qui ont plus de bénéfices à se faire vacciner, eh bien, je ne suis pas contre qu'ils se fassent vacciner. Il n'y a pas de problème parce que s'ils ont le Covid, effectivement, comme s'ils attrapaient la grippe. S'ils attrapent la grippe, ces gens-là, ils risquent de mourir, bien sûr, parce qu'ils sont immunodéprimés, parce qu'ils n'ont pas assez de protection. Voilà, les gens qui sont plus âgés, qui ont aussi une protection limitée, eh bien, ok, qu'ils se fassent vacciner. Je ne suis pas contre, je ne suis pas vraiment contre le vaccin. Je suis contre l'obligation vaccinale. Je pense qu'on est dans un pays libre, une démocratie, et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de son corps. Et si on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut de son corps, ce n'est plus normal. Il y a une limite qui est dépassée, là. C'est juste pas possible. Ce qui est interpellant aussi, c'est qu'il y a des traitements du Covid. Hein. Alors quand les gens disent « Oui, mais enfin, les gens ils se retrouvent aux soins intensifs, etc. » Pourquoi ? Parce qu'on attend trop longtemps pour les soigner. Ça, c'est prouvé aussi. Moi, j'ai plein de médecins autour de moi. Vous savez, quand un patient téléphone qu'il n'est pas bien, etc., il doit d'abord aller quelque part pour se faire tester parce que le médecin ne peut pas le recevoir. Si jamais il y a le Covid, vous imaginez le bazar. Et donc, parfois, on leur dit, vous restez à domicile, vous surveillez votre taux d'oxygène dans le sang, votre saturation. Et donc, après, ils vont plus mal et puis ils vont à l'hôpital. Mais évidemment, quand ils vont à l'hôpital, c'est qu'ils vont mal. Mais alors qu'il y a des traitements au départ, pourquoi est-ce qu'on ne... Pourquoi ne... Moi, j'ai une copine, son mari... Vous parlez des traitements, c'est l'ivermectine et... Tout ça, il y a l'azithromycine qui est dans l'antibiotique, il y a la vitamine C à forte dose, il y a du zinc, etc. Tout un complexe. Moi, j'ai une copine, je parlais encore avec elle hier, son mari est médecin, elle prend tout ça tous les matins et il y a des trucs naturels à faire en plus de faire avant d'avoir le Covid, quoi. Pour renforcer son immunité. Mais ça, on n'en parle pas, bien sûr. C'est dingue, moi, je... Mais vous n'êtes pas bien, prenez un Afalgan. Ben oui, hein. Et puis ça quoi ? Et puis, une fois que la détresse respiratoire est là, ben évidemment qu'on va à l'hôpital ou sans intensif. Oh, vous imaginez tous les lits qui sont pris. C'est d'une aberration totale. Et encore une chose avant, c'est qu'on oblige... Enfin, on propose le vaccin aux enfants. Mais il n'y a pas de mort du Covid dans les enfants ou les adolescents, mais il y a des morts après le vaccin. Il y a plein d'endocardites qui n'existent, enfin, chez les enfants, quoi. Mais allô, enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, vous, est-ce que, voilà, vous êtes... Oui, dites-moi. Qu'il faut, il faut interpeller les gens, il faut leur ouvrir les yeux, quoi. Faut leur ouvrir les yeux. Mais quand vous avez, comment il s'appelle, le ministre de Croix qui passe sur la RTB, je ne sais plus, c'est RTL, c'était dans... avec Kairos, vous avez regardé cette vidéo, non ? En fait, on n'écoute pas les médias parce que c'est tellement... Kairos, c'est pas du média. Non, vous voyez pas c'est quoi Kairos ? Ah non, c'est vraiment... C'est les seuls qui se bougent les fesses, vous voyez pas ? Ok. Mais on voit comment le ministre de Croix censure... Ne se laisse pas approcher par les gens à poser les vraies questions. C'est coupé, monté. Et surtout, il dit qu'il y a eu un mort de vaccin. Ah ouais. Voilà, juste, il est au courant qu'il y a eu un mort du vaccin, voilà. De toute façon, c'est jamais la faute du vaccin. Hein. Non, mais vous voyez, c'est sur un média de grande écoute, et les gens, ils croient ça, et quand tu vas discuter avec les gens du terrain, ils disent pas la même chose, quoi. Non, ben non. Mais qui croire, alors? Oui. Comment vous faites? Ah ben, comment on fait? Après, comme on est sur le terrain, comme vous dites, moi, en temps Covid, donc moi j'ai toujours travaillé, j'ai jamais arrêté. Au tout début, j'avais vraiment très peur parce que on savait pas sur quoi on tombait. Donc au début, j'étais paniquée pour mon petit garçon qui était tout petit, et je rentrais chez moi, je me déshabillais directement dans le garage, j'allais vite sous la douche, je paniquais, je mettais un calot, je mettais mon masque, j'étais terrifiée, enfin vraiment. Et en fait, au final, j'ai eu quoi? Peut-être 3 cas Covid dans mes patients, et il n'y en a aucun qui est mort, quoi. Donc à un moment donné, je me dis, en plus, je fais quand même pas mal de tournées, donc je vois quand même pas mal de patients. Donc et on parle de pandémie, tu vois, alors tu regardes autour de toi, tu vois. Mais oui, mais voilà, moi je connais pas de gens, personnellement, moi je connais pas de gens qui sont morts du Covid. J'ai une dame de 96 ans, une patiente de 96 ans qui a fait le Covid, qui a des antécédents pulmonaires, elle est comme vous et moi. Donc à un moment donné... Enfin, on se pose des questions. Ça part de là. Hein. Oui. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, à un moment donné. Les gens, ils se font vacciner. Ils font une dose, deux doses. Maintenant, la troisième dose, c'était pour les gens immunodéprimés les plus âgés. Maintenant, c'est pour tout le monde. Et si tu fais pas ta troisième dose, mais ton passe, tu l'as en dessous du nez. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer parce qu'ils ont envie d'aller au resto, ils ont envie de voyager. Et les enfants, maintenant, apparemment, ils doivent avoir leur vaccin pour aller faire du ski. Donc les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vacciner leurs enfants parce qu'ils ont envie d'aller au ski en décembre. Ils ont envie de vivre normalement. Donc pour vivre normalement, on fait le vaccin. Donc en fait, c'est une fausse liberté. Parce que quoi, avec le pass, on va te suivre partout où tu vas. On va savoir tout ce que tu fais. Même l'économie est entrée dedans aussi. C'est un truc de dingue. Mais pourquoi? Oui, ici, le petit groupe là. Question. Pourquoi tout ça, en fait? Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est... Business du vaccin en partie pour le pognon, bien sûr. Quoi d'autre alors aussi contrôle, le contrôle, oui, contrôle. Il y en a qui disent qu'on va avoir une commune puce. Enfin, il y en a qui disent on aura une puce. Comme en Chine, de toute façon, maintenant on se rapproche du système de la Chine. Tout va être surveillé. Mais déjà maintenant avec les cartes bancaires, parlons du pognon. Il y a combien de banques, distributeurs de billets qui vont fermer? Enfin, les gens ne payent plus que par. Donc le liquide va disparaître. Mais pour les indépendants, au début du COVID, les indépendants, enfin, ne nous cachons pas les yeux, ils vivent quand même beaucoup de leur. L'économie, le black fait partie de l'économie. Voilà. Oui, s'il n'y a plus de black, quoi. C'est un grand débat. Je pense qu'on va rester ici pendant toute la journée. Oui, c'est chaud parce que c'est là maintenant, ça se passe. J'ai l'impression qu'on est vraiment à dire non, on veut pas de ce monde-là, quoi. Évidemment que c'est pas la masse, mais aujourd'hui, on a montré qu'on était quand même là. Qu'on était là. Mais gars, au début du Covid, on pouvait plus payer. Ils disaient qu'on pouvait plus payer que par carte bancaire pour ne pas avoir d'argent. Voilà. Mais merci. Mais attendez, il faut que je donne une carte. Qu'est-ce que vous avez? Donne-lui une carte bancaire. Toi, alors, tu t'appelles comment? Adil Arab. Adil. Arab. Voilà, enchanté. Enchanté, merci. Toujours aussi ce problème de sans-papier, alors. Voilà, exact. Moi, je suis ici, ça fait 10 ans. J'ai les preuves de l'hôpital Saint-Pierre, Bracops, Erasme aussi. J'ai des cartes médicales du CPS Anderlecht. J'ai 3 cartes médicales. J'ai l'inscription de l'école à Forêt 2012. J'ai contrat de bail 2011. Mais qu'est-ce que tu veux dire avec tout ça, que tu étais en ordre de papier? Tu es là depuis combien de temps? Ça fait 10 ans que je suis ici. Mais, ah, aussi voilà, 10 ans, je suis ici avec les preuves, c'est pas parole, tu vois, mais les preuves, j'ai les preuves. Mais les preuves de quoi? Les preuves de l'hôpital Saint-Pierre, sur mon nom. Mais quoi, tu veux dire que tu avais tes papiers? J'ai les preuves de l'ancienneté ici, parce que je suis ancien ici, tu vois, okay. C'est les preuves qu'ils ont parlé, c'est pas moi qui parle. Essaye de comprendre, moi j'y connais, je connais pas tout exemple, le bazar. Par exemple, si le personne voit les rendez-vous de l'hôpital Saint-Pierre, j'ai 2011, 2012, 2014, j'ai les rendez-vous de l'hôpital Bracops, 2011, 2012, contrat de bail, 2010, j'ai les cartes médicales aussi, 2010, 2012. Donc ça fait 10 ans que je suis ici, mais il n'y a pas de régularisation. J'aimerais bien s'il y a quelque chose, une régularisation. Tu veux dire avoir des papiers qu'on te fout de la paix, voilà, quoi. On a un numéro national, c'est la première chose. Tu as un numéro de registre? Pas encore, j'ai pas de numéro national. Si j'ai un numéro national, je travaille noir, normalement je travaille déclaré. L'État aussi, je paye mes taxes à l'État, tu vois ce que je veux dire. Mais malheureusement, on travaille noir, on paye ni taxes ni rien, tu vois, seulement loyer et tout. Mais c'est par pas exemple, protégé, quoi. Voilà, je suis pas protégé sur la mutuelle, l'assurance, beaucoup de choses. Mais si j'ai les papiers, je peux travailler déclaré. Ouais, mais de toute façon, le point de vue général d'être sans papier, on a bien compris que c'était un problème, quoi. Et la Belgique se bouge pas vraiment pour régulariser toi et tous les autres gens. Ils s'en foutent, non? Normalement, ils ont fait, il y a presque, ils ont dit 150 000 personnes. Oui, j'ai vu ça l'année dernière. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas. Donc, franchement, c'est une catastrophe. Véridique. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis j'étais à Saint-Pierre, nanani, nanana? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu avais des papiers qui étaient chaque fois renouvelables, voilà. C'est ça? Voilà, j'ai par exemple, j'ai reçu la poste, j'ai la bolmo du tram, j'ai beaucoup de choses. J'ai, okay. Le seul différent, j'ai pas la pièce d'identité. C'est ça la différence contre moi et les personnes qui ont vécu ici, soit des Belges, soit tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, si on vit ici, on paye des taxes. Par exemple, des loyers, des tickets de tram, on fait les courses à Colruyt, Aldi, Lidl, Delhaize, tu vois ce que je veux dire, on vit ici. Pourquoi on ne te donne pas les papiers maintenant? Il n'y a pas de régularisation. Mais pourquoi? Moi, j'ai parti chez mon avocat, il s'appelle Patrick Higot, un avocat privé. Je l'ai demandé, il m'a dit, monsieur, il n'y a pas de régularisation, seulement si tu peux marier ou bien à cohabitation. C'est ça les articles qu'ils ont défendu sur les papiers maintenant. Sinon, on ne régularise plus les gens sans papier, c'est ça? Voilà, exactement. Si tu es marié, ou bien à cohabitation avec une femme ou bien avec une fille qui travaille, elle est les fiches de paye, elle a l'appartement, mais... Bah, le DICALA, ils ont fait un numéro national, bien un pièce d'identité, parce que tu habites avec quelqu'un sur les charges de quelqu'un. C'est ça les deux solutions, soit mariage, soit à cohabitation. C'est ça qu'ils ont dit. Par rapport à une régularisation pour les personnes qui sont anciennes ici, ou bien des années, on attend jusqu'à quand, on ne sait pas quand. Voilà. Mais toi, tu fais comment pour pas péter un câble? Comment est-ce que tu fais pour... Franchement, on est trop passionné. Trop passionné. Parce qu'on n'a pas de famille. Passionné, patient, tu veux dire. On est trop patient. Tu vois le mot patient? Voilà. Tu vois ce que ça veut dire le mot patient? Ça veut dire qu'on est, on est trop calme, c'est ça que tu veux dire? On est trop calme, voilà, exactement. On n'a pas de famille, on a rien. Voilà, on vit des années ici. Si on travaille, on peut manger, on peut payer le loyer. Si on ne travaille pas, on ne peut faire rien du tout. Voilà. Tu trouves nous dans les rues ou bien dans les boulevards, tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, il y a un peu de force et un peu d'énergie pour travailler. Voilà. Et t'as pas envie de retourner au Maroc ? Y a rien à faire là-bas. Voilà. Moi, j'ai grandi ici. Moi, j'ai rentré ici 25 ans et maintenant j'ai 35 ans. Ça fait 10 ans qu'ici. J'ai habitué. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux pas retourner au Maroc ou bien d'autres pays. On est intégré ici. On est grandi ici. On a, par exemple, moi, j'ai gâché ma vie ici. J'ai perdu ma jeunesse ici. Je peux pas retourner n'importe pays à part la Belgique. Et j'aimerais bien la Belgique et je respecte l'État belge aussi. Ok, merci les gars. Hein. Fou. Même moi. Attendez, s'il vous plaît. Oui, mais. Mais moi, je vous dis, je lui dis à madame, il faut partir au Maroc. Madame, il dit non. S'il veut partir au Maroc, moi, je partais. C'est la merde. C'est la merde ici. C'est la merde. Bonjour pour monsieur Yahya Berriah, il veut dire... ici présent. Il est ici, ouais. Ouais, elle est là à côté de moi, monsieur Yahya Berriah, elle est présente devant moi, mais elle veut dire, il vous raconte l'histoire de lui, mais la langue un peu, tu vois, voilà, la langue française, il ne peut pas parler bien. L'essentiel, lui, il veut dire, comme quoi, ça fait 11 ans ici, il a tombé malade ici. Épilepsie, il a tombé malade ici, épilepsie. Et lui, il vit ici avec sa femme, ouais. Il a un enfant, il est marié en France, mais lui et sa femme, ils n'ont pas de papiers. Monsieur Hebriah, cette semaine, il a perdu son père, il a perdu son frère dans une semaine, les deux. Ils ont décidé au Maroc, mais ils ne peuvent pas descendre Monsieur Hia pour voir ses parents, pour voir son père et son frère qu'ils ont décidé au Maroc parce qu'il a pas pièce d'identité pour retourner au Maroc pour voir son père quand il est décidé, son frère. Malheureusement, il est ici 11 ans, il n'a pas vu son père, il n'a pas vu son frère. Ils ont décidé, ça fait presque une semaine maintenant. Monsieur Hebriah, il est dans un état grave, franchement, il a tombé malade ici pendant 11 ans. Voilà, même lui, il sacrifie, franchement, on a tous son sacrifice, surtout les personnes qui n'ont pas de papier. Voilà, c'est tout, et merci beaucoup, je vous en prie. Mais est-ce que tu ne crois pas que tu vois, le fait de ne pas bien maîtriser la langue française, tu comprends ? Ça, vous pouvez pas bien vous défendre aussi, hein. Vous pouvez. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà, je comprends ce que tu veux me dire. Parce que si t'es là depuis 10 ans, si tu vas trouver, je sais pas, moi, enfin, il y a moyen, enfin. Ouais, tu parlais sur la langue, tu parlais pour la langue. Oui, je parle pour la langue. Je me dis. Le problème sur la langue française, par exemple, Yahya Berriah, ça fait 10 ans, il est 10 ans ici, 11 ans. Elle n'a pas pris la langue bien parce qu'elle vit dans un entourage où il y a trop des Arabes, des Marocains. Le plus pareil, lui, il croise avec les Marocains et marche avec les Arabes. C'est pour ça qu'elle n'a pas pris la langue française. Mais moi, je trouve ça bien que les gens restent avec... Je veux dire, vous avez déjà pas de papier, c'est normal que tu restes avec les gens... Tu vois, qui parle la même langue que toi, c'est normal. C'est pas ça que je veux dire, moi. Je trouve ça bien que les gens parlent leur langue. Ce qu'il y a, c'est que pour se défendre, pour se bouger avec les papiers, rencontrer la bonne personne, bien comprendre ce qui se passe, tu vois, il faut déjà bien maîtriser le français. Tu comprends ? Oui, je comprends. À partir du mois d'avril 2020, qui vient de passer, le mois d'avril, on a commencé... En manif, on a fait des rassemblements devant les communes. On a occupé toutes les communes de Bruxelles, la commune Forêt, la commune Mille-Bruxelles, la commune Saint-Josse et Molenbeek. On a occupé tous les sièges, par exemple le siège de Écolo et le siège de PS, et le siège de CPA et le siège de MVA. On a occupé toutes les communes et les sièges. On a fait des rassemblements aussi à l'église de Béguinage. On a fait un rassemblement grand. Rassemblement, ça passe le mois de juin à Place Luxembourg. On a envoyé les messages à l'État, on a fait plus possibilités, on a fait le Et la finalité de tout ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On attend, parce qu'ils ont dit il n'y a pas de l'État encore. Si y a l'État, ils ont fait l'État, il y a quelque chose, on attend. C'est ça qu'ils ont dit, il n'y a pas l'État encore. On a... Ah oui, tu veux dire que le gouvernement soit en place, ok. Voilà, exactement, voilà. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, si à l'État... On peut prendre une décision. Tant qu'il n'y en a pas, on ne prend pas de décision. Ou bien une proposition. Voilà. Mais écoute, franchement, il faut que ça bouge. Hein. Voilà. C'est pas normal de vivre comme ça, hein.